Ce soir, QSM ferme la véranda et couche dardard l'anaconda. Allez, à pipi et puis dodo. QSM quitte sa base. Direction la boîte de jazz. Cette taille en tonnage. Ouais, tu sais que j'ai battu Bill Gates au golf. Ah, ce soir, pas de pastis. Ambiance un peu rétro. Et QSM n'a pas peur. Les yeux étaient dans le rétroviseur. Tu danses. Je vous ai raconté quand j'ai passé le 14. Un descriptif sommaire. Ici, pas de bière. Une musique dandinante qui ne pique pas le ventre. Ouais, je travaille dans l'ingénierie marketing. Je m'éclate comme un fou. Ah, sous la scène, il fait très. Les verres s'entrechoquent. QSM met le paquet. Martin Drive. And the Rock. Ouais, leur deuxième album est bien trop commercial. Une piste de danse où le peuple est en transe. QSM se dandine. QSM remue les chines. Il fait chaud aussi, hein. J'aime la sueur. QSM se trémousse. Même si c'est pas sur Rémousse. Dans un coin, le barman tousse. Incontrôlable secousse. Je fendu, pas de nylon, pas dans l'aiguille. Je fonds une gestuelle et mutine. Coquille. QSM sait sortir. QSM sait se tenir. C'est en costard cravate. QSM à pattes. De jeunes filles aux abois. QSM fait son choix. Vêtu de sacré sape. Ouf, on a mille ne pas. J'adore ce pianiste, il est vraiment extraordinaire. Extraordinaire. Catherine sur la table, des chaises, un bois d'érable. Ma beaux yeux nous alpaguent, mais ma parole nous drague. Le seul signe d'hiver a changé l'univers. Ce n'est pas un souci, on est là toute la nuit. Et beauté. Comme le chapeau. La musique est baroque. Ici et là traîne la coque. Dans la boîte, pas de tabou. Le jazz comme seul gourou. C'est vrai que quand on y va, nous, on est toujours bien reçus. Bon, bah, on aime bien, on aime bien. C'est vrai.